Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme une fredonne de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon ronfies, un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon fronterne de vieille mélodie. À la faveur de l'automne, voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, il n'y a que vous d'appuyer, et j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, pas de boule, pas de revient cette douce mélancolie. Un peu, trois, quatre, un peu. Alright, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 St. Paul, Radio Without Boundaries. We just heard Tété, à la faveur de l'automne. Just a beautiful melody. And my name is Dana. Et moi, je suis Caryl. Caryl and I tonight are mixing up a bunch of songs about fall and just a nice mix of music. Oui, je crois. Moi, je n'ai pas pu trouver pour l'automne. Donc, ce sont les tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Alors, c'est les primitifs du futur. Une annonce importante. We have some announcements to make that we're going to be giving away not only concert tickets, but movie tickets as well. So you have to listen, because when we announce, we will be offering up some tickets to an upcoming Beau Soleil concert. We'll have you call in, and then further in the evening. Mm-hmm. Only when we say. Only when we say. So up next, just... Eh ben, les primitifs du futur, tu veux? Mm-hmm. Le titre, c'est portrait d'un 78 tard. Alors, et ça va être suivi par Gérard Pierron, chante vigne, chante vin. C'est à propos pour la saison parce que c'est la récolte maintenant en France. Right, and this special compilation, so the first song we're going to hear is a story of a 78 record collector in Paris trying to find some old jazz. That's what we'll kick it off with next. And then after that, we have Gérard Pierron, which is he's a vigneron, actually. I was talking to Carol today and I'd forgot the word for vigneron, winemaker. And he's from Saint-Emilion. He made this compilation in the year 2000, Chante Vigne, Chante Vin. So here's a couple songs from that compilation as well, after the 78 record collector. Alors, allons-y. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez des disques 78 tours? Des 78 tours à saphir ou à aiguille? Je cherche des vieux musettes, des vieux jazz, d'avant la guerre, tout comme ça. Quand vient le dimanche matin à la porte de Saint-Ouen, le blanc parti en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse bon, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine. D'un tas de noires galettes, il déterre un petit bulle chouette. C'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau. C'est la vraie valse musette qui lui fait tourner la tête. Plus français des amerlots, c'est Pébert Chapeau. Dites, laissez-moi regarder un peu, j'étais là avant vous. Victor contre Paramount, vous vous foutez de ma gueule? Si vous voulez ce disque, il faut acheter le lot. Il y en a 300, je peux vous faire un prix. Quand vient le dimanche matin à la porte de Saint-Ouen, le glas parti en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse beau, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine. D'un tas de noires galettes, il déterre un petit bulle chouette. C'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau. C'est la vraie valse musette qui lui fait tourner la tête. Plus français des amerlots, c'est Pébert Chapeau. Hier haben wir eine Platte von einem bizarren deutschen Jazzorchester. Robert Johnson on Romeo, Mint Coffee. Et on a tout ramassé, on n'a rien laissé pour les autres collectionneurs. Quand vient le dimanche matin à la porte de Saint-Ouen, le gars parti en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse bon, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine. D'un tas de noires galettes, il déterre un petit bulle chouette. C'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau. C'est la vraie valse musette qui lui fait tourner la tête. Plus français des amerlots, c'est Pébert Chapeau. It's mint, my friend. Ce soir-là j'avais du bon temps, un bel amour à mes côtés, les rayons du soleil couchant au fond de mon verre étoilé. Ce beau soir-là je voulais vivre loin de ce que j'avais connu. Ce soir-là j'étais un peu ivre, plus que je ne l'aurais voulu. Chante vigne, chante vin, chasse la peine des hommes. Chante vigne, chante vin, la vraie chanson de l'automne. Sans la vie, sans le vin, ce beau soir ne vaudrait rien. Autour de moi, comme à la foire, la terre se mit à tourner. Donc il aurait fallu ce soir être ivre mort pour en douter. C'est que le ciel était si pur, c'est que le vent m'était si bon, c'est que la grappe était si mûre et le baiser tellement long. Chante vigne, chante vin, chasse la peine des hommes. Chante vigne, chante vin, la vraie chanson de l'automne. Sans la vigne, sans le vin, mon amour ne vaudrait rien. Pardonne-moi ma tant aimée, si ce soir-là je n'ai pas su du vin nouveau de ton baiser lequel des deux valait le plus. Tu l'oublierais ta jalousie si tu savais, si tu savais comme ce soir de sa magie le vin nouveau t'embellissait. Chante vigne, chante vin, chasse la peine des hommes. Chante vigne, chante vin, la vraie chanson de l'automne. Sans la vigne, sans le vin, ma chanson ne vaudrait rien. Sans la vigne, sans le vin, ma chanson ne vaudrait rien. AI is partnering with the Minnesota Food Truck Association and Harriet Brewing as sponsors of the Fall Feast Food Truck Rally. The rally features 18 food trucks plus music on the KFAI stage by Jack Klatt, Doug Otto and the Getaways, the Everett Smithson Band, Mary Cutrufello, and the Federales. The Food Truck Rally takes place on Saturday, October 18th at Harriet Brewing, 3036 Minnehaha Avenue in Minneapolis. A portion of the proceeds will be donated to KFAI. Information is available on the events calendar at kfai.org. Farouche, les gamins fuient comme des mouches devant ma besace en lambeaux. Et cependant mon cœur est tendre, ferraille à vendre, et j'aime les petits oiseaux au de la pimpeau. Si j'ai vécu dans la misère, c'est que des gens qu'on aime guère ont mis du foin dans leurs sabots. Et ces gredins qu'on devrait pendre, ferraille à vendre, nous font saigner de lourds impôts, peau de lapin peau. Députés, sénateurs, ministres, charlatans aux projets sinistres, promettent la lune au badaud. Le bonheur qu'ils nous font attendre, ferraille à vendre, fleurit pour eux sur nos tombeaux, peau de lapin peau. Leurs faux honneurs et leur morale sont un paquet de linge sale ensanglanté dans leur drapeau. La probité d'un Alexandre, ferraille à vendre, et les exploits des généraux, peau de lapin peau. Pour le bonheur de ce bas monde, je voudrais voir la paix féconde dans tous les cœurs et les cerveaux. Mais les canons qu'on meurt d'entendre, ferraille à vendre, me font dire à tous les bourreaux, peau de lapin peau, peau de lapin peau, peau de lapin peau, peau de lapin peau. Back announce. Formidable, hein? Oui. Ça, c'était qui? C'était Gérard Pierron, from Saint-Emilion Vigneron, winemaker in Saint-Emilion. That would be the Bordeaux region, right? Yes, Bordeaux. Mm-hmm. And luckily, this compilation was actually sent to... I used to work at channelwine.com. It was a portée sur le vin. It was like a web wine search engine bankrolled by the Rothschild banking family. We didn't have any means of making money. The whole idea was to be non-commercial. Oh, I see. So we blew through a lot of money and the startup closed. But it was great while it ran and we had wonderful content that was sent to us, like CDs, beautiful photography of all the regions. We built a online, we had this special tool that was, you could... This is when you were in France. Yep, about 10 years, 12 years ago. you could build your own wine cellar, and then the prices from Sotheby's and Christie's would be kept intact. You could know how much your Chateau Margaux wines were worth if you built your, you know, inventory online. Mm. But that was kind of an exciting project. Luckily, that's why I have this CD that I could share with you tonight. It's a wonderful CD. Well, hope to hear from that again. We will. The Rothschild family, too, are important in wine production. The Baron de Rothschild. Oui. I think they were Mouton Cadet and things like that. Right. Bordeaux's. They have a lot invested in wine. Oh, yes, which is a huge business in France, of course. Right. So did you get to visit any of the great vineyards? I've been to Alsace and Sancerre. Sancerre, near Vouvray, near the Loire. Oh, Vouvray is delicious. It is. I don't white wine from the Loire Valley. Fantastic. And Sancerre, too, is sort of smoky tasting. Mm-hmm. But that was a while ago, and it was great. I wish that I would have gone to Bordeaux, and they have a special... they have everything around wine. They even have a spa where you can bathe and have the tannins from the grapes, like, do some special... For beauty treatments? Beauty treatments. The spa in Bordeaux. I didn't know that. How fun. I was in Beaune, which is a wonderful medieval city in the Burgundy region. And also, not only for the wine, but they have many historical things, like the hospital in Beaune. It's a medieval hospital. Oh, really? Yes, with paintings, and you can visit it. At that time, they put two or more patients in one big bed. Oh, in one bed. Yes. Oh. You can imagine, it wouldn't be too sanitary. You might catch what the person has next to you. I don't know if that's the way it was then. A lovely city, beautiful city, Beaune. Oh, that makes me want to visit it. Eh bien, on va changer maintenant à Michel Sardou. Alors, Michel Sardou va vous chanter les bals populaires, c'est-à-dire ce qu'on trouve le 14 juillet quand on dansait dans les rues. Alors, la dernière fois que j'étais dans le 14 juillet, il y avait un énorme bal à la Bastille, mais j'ai jamais vu des petits bals comme dans les rues. Oh, Michel Sardou, I saw firemen ball. They always have firemen balls. Ah, les pompiers. Ah, yeah, the pompiers. So this is Michel Sardou, les bals populaires. Et ça va être suivi par les ricains. Alors, ricains, c'est une abréviation pour les Américains. Alors, on les appelle, c'est un peu péjoratif, mais pas vraiment, hein. Et en effet, c'est une chanson qui remercie les Américains pendant la guerre. Oh, so the song is called Les Ricains, after the Americans. Les Américains qui ont aidé. And thanking them for participating and helping during World War II. D'accord, pour la Deuxième Guerre. Alors, Michel Sardou. Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Et plus ça tourne, tourne mieux. Mais là-bas, près du comptoir, on boit. Nous, on ne danse pas. On est là pour boire un coup. On est là pour faire les fous. Et pour se revoir un coup.

un tirage pour des billets, pour des, enfin, un concert et un cinéma, un film de cinéma. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de Sardou, là? Oh, I liked it, but I think that Americans don't realize that the French are, well, the French are grateful. I mean, Michel Sardou is saying if the Americans didn't come, you'd all be German. So I don't think that Americans know about this Michel Sardou song, but it was beautiful. Right. Alors maintenant, on va écouter. Oh, tu veux dire autre chose? I just wanted to remind in English that what Carol had said is that we'll be giving away some concert tickets, a pair of those, as well as some cinema tickets to be able to see a French film. So those will be later in the next hour. So. Alors maintenant, on va écouter. Ben, qui c'est? Marlène Dietrich. Allemande, mais son cœur était ailleurs avec les Alliés. Elle va vous chanter « Où vont les fleurs ?», une chanson de proteste des années 60. Et ça va être suivi par Marianne Faithfull, « Coquillage ». Marianne Faithfull était la petite amie de Mick Jagger pendant des années et des années, et une chanteuse elle-même. Alors d'abord, Marlène Dietrich. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais? We just heard, first off, it was Marlene Dietrich with Where, Où vont les fleurs? Where are the flowers going? How is the actual translation for that in English? Where have all the flowers gone? And that was originally a Pete Seeger song, and which is the idiocy of war. And what was interesting about that arrangement was that it was Burt Bacharach on guitar in the background. Right. So this great song. Great composer. Yeah, we were just trying to figure out whether or not he's still alive. Maybe one of our readers or listeners can call in. Call in and see. Maybe if they call in, shall we give them maybe these tickets? If someone could give us some answers about that. Well, there's an idea. All right, let's see if someone can... Let's give you the phone number first. You want to give away a pair right now? Yeah, let's give away the... What we're giving away is the Beau Soleil tickets with... Is it Michel Doucet? Is that right? Michel Doucet? You can pronounce it. Beau Soleil avec Michel Doucet. And with the Caravan of Thieves, it must be the backup band, I don't know. So and the cultural... If you, what you have to do, first of all, take down our phone number, which is 612-341-0980. 612-341-0980. And should we say the first person that calls in? The first person that calls in. And knows if Burt Bacharach is still living. And We'll wait for your call. And in the meantime, just to back announce the other song that was on that Marianne Faithfull, who used to date Mick Jagger, she actually co-wrote Sister Morphine. And this song is just about, he's the one that I'm going to marry. He had she was singing about her lover brought her some mussels, and he's the one that she's going to marry. All right, we will go ahead and... Qu'est-ce qu'on va écouter? Oh, our next song that we're going to listen to is Barbara et l'automne, and this is live from 1978. Et l'automne n'a pas feutré, et l'automne n'a pas feutré, et l'automne n'a pas craquant sous un ciel pourpre et doré sur les jardins dénudés, se reflète en transparence des brumes d'automne rouillées. Tes cheveux aux senteurs de poivre mêlés, et sur nos nuits de mi-novembre, il y a l'automne miraculeux, il y a l'automne miraculeux, il y a l'automne, il y a l'automne, il y a l'automne des chrysanthèmes, de pleurs mouillées. Et l'automne des sanglots longs sous un ciel gris délavé, et de la gare au cimetière, dans les allées, de bancs de bois en bancs de pierre, de peupliers en peupliers. Et l'automne désespéré, et l'automne désespéré, et l'automne, et l'automne, et l'automne des pommes rouges sur des cahiers d'écoliers, et l'automne des châtaignes aux poches des tabliers. Regarde un peu les mésanges en haut du grand marronnier, il y a des rouges gorges au jardin des Batignolles, et les enfants de novembre regardent tomber du ciel ces petits oiseaux de plumes échappés d'un arc-en-ciel. Pour les enfants de novembre qui ramènent émerveillés un peu de l'automne rousse au fond de leur tablier. Et l'automne vit l'automne, et l'automne n'a pas feutré, n'a pas feutré, n'a pas craquant, et sur nos nuits de mi-novembre, et l'automne est miraculeux, est miraculeux. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien,

KFAI is supported by the internet professionals of IP House. IP House is a Minnesota-based provider delivering internet hosting to the world, one website at a time. Answers to your internet problems from the friendly geeks at IP House. More info online at iphouse.com. All right, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, and we just heard a bunch of women chanteuses, starting with Barbara, and Barbara, that was Il Automne from Châtelet 87, Châtelet 1987, a live concert by her. She's kind of the Barbara Streisand of France. Barbara? What would you compare? Well, she's kind of a frail, intellectual, touching singer. That's, yeah. I've always had that impression. Very emotional. You ever go to Châtelet before? Yeah. Well, that's a funny place. You sit way up in the sky. At least I did, unless they remodeled the place. I thought you meant the metro station. I've spent lots of time at Châtelet. Oh, well, you know, because it's the center of Paris, and you know, you're right next to Centre Pompidou. Miles. And you walk miles at the metro south Châtelet. No, I meant the theater. Sorry. No, unfortunately, I've been to some petite salles, like Pigalle's, and there's not. No, I can't remember. There's little tiny concert halls by Rue de l'Alpe, Balajo. But those are all very small, not compared to Châtelet or Bercy. After that, we heard Françoise Hardy, Le Temps de l'Amour, which is just such a beautiful song. I'm in love with that song. I've been listening to it all week long. And after that, Amadou and Mariam with Je Pense à Toi, I'm Thinking of You, from the album The Magic Couple, which is just fantastic. Well, everybody's out there saying, and the tickets? Yes, they were given away. They were won by Kayoko, who knew right away that Burt Bacharach is still living. And he was born in 1928, so he's in his 80s, isn't it? Yes, something like that. Right. Close to 90. Mm-hmm. Wonder if he's still composing or sometimes I don't know. Playing. He was married and divorced 3 times. Hmm. So ever optimist, but not too lucky. And I remember hearing his music, which was just hugely popular in the past. He's extremely talented composer. And he was personally a very nice-looking man. He used to be on TV and playing his music. He's collaborated with so many people, though. I mean, I around the planet. And I was just listening to Elvis Costello. There was an Elvis Costello Burt Bacharach CD a long time ago that it came out. But just classic. Everything that he does is like gold. Oh, like what the world needs now is love. Yeah. And with Dionne Warwick, the work that they did together. Yes. So, yeah. Burt Thank you, Kayoko. Sorry if I mispronounced your name there, but for the other listeners, Kayoko won 2 tickets to the Cedar Cultural Hour, or Cultural Center, for Sunday, October 19th at 7:30 p.m. for Beau Soleil with Michael Doucet and the Caravan of Thieves, an outstanding Cajun group. It's been popular for years and years. But don't worry, we still have more tickets to give away tonight because we have 2 tickets for next week's Trilon French horror movie series. So we'll be giving them out in the next hour for Repulsion with Catherine Deneuve. That's the Roman Polanski films. Oh, it's a Polanski film. So that will be next Monday and Tuesday. So call. You have to be the 10th caller when we announce it. So let's go to the next... Okay. Let's go to some music, maybe. Un peu de musique, d'abord? Why not? Oh, on n'a pas beaucoup de temps. Une chanson? Une petite chanson. Tu en as sur le... Yeah, sur le CD, peut-être. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le CD? Banquet des chasseurs. Le Banquet des Chasseurs, mm-hmm. par le groupe ou Java. Java. This is on Cuisine Nonstop, Introduction to the French Nouvelle Génération. This came out in like the year 2002, I believe. And this is the banquet of the Hunter's Banquet is the title of this song. D'accord. For all our hunters out there. Oui, oui. L'est à l'hôpital à gris. Non, attendez-vous. Autrement, j'étais au banquet des chasseurs. J'ai tombé de assis sur la table. Assis couché. J'ai eu un malaise. Je suis parti à l'hôpital à gris. Voilà, c'est ça. Après, c'est fini. Sniff, farine animale. Oh non. Sniff, farine animale. Oh ben ça va. Sniff, farine animale. Ça te booste. C'est de la bonne défense rurale. C'est du rousse. Yes, de l'authentique. Du typique. Je vois mon clone dans l'arrière boutique. English beef, légalise. Poulet belge, légalise. Salmonelle, légalise. English beef, légalise. Poulet belge, légalise. Salmonelle, légalise. Top wine. La bonne défense rurale, c'est du rousse. Yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière boutique. Sniff. That was, Java. Banquet des Chasseurs. The Hunter's Banquet. Mm-hmm. And this is Bonjour Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire. KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez, Bonjour Minnesota. Et si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez bien nous téléphoner au studio au 612 341 0980 pendant que la musique se joue. Et moi, je m'appelle Dana. I'm Dana. Et moi, je suis Caril. And we're happy to be playing some music for you this evening. Some of it about autumn, some of it about hunting. And we have a special announcement about our friends at Jun Lun Theater Company. They have a Kickstarter campaign in order to go ahead and work on a campaign to pay their actors and crew because they've had a beautiful show. So if you go ahead and go on to Kickstarter, go ahead and try to support the work of Nathan Keepers, Heidi Bach, and Stephen Epp. They've done such great stuff for the Twin Cities with so many of their productions in the past. So just wanted to make sure that we do a shout out. They've got that Kickstarter campaign started. So we love live theater and performances. And they're doing their own beautiful version of a Shakespearean, well, kind of Shakespearean play. In their own great way, of course, as the Jun Lun used to do. Love Labor's Lost. New production. Wild new production. So we know that it's going to be slightly surreal, right? I think so. And the next thing that we have... On un disque de Michel Delpech qui s'appelle Le Chasseur, puisqu'on parlait des chasseurs. Voilà, Michel Delpech. More hunters. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. De moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Là-haut Well, that was Michel Delpech, The Hunter. And it says the hunter was admiring the beauty of nature and really didn't have the heart to shoot at the birds. Here's some announcements for what's going on in the Twin Cities. Lots of things always happening at the Alliance Française in October. There will be an apéro en français at the University Club in St. Paul, Thursday the 9th, that's this coming Thursday, from 6 to 7:30. The University Club is on Summit, I believe. Oh, Grand and Summit. Grand and Summit, mm-hmm. So you can go and have an apéritif and speak French at the same time. Hmm. On Saturday, the 11th, from 7 to 9 p.m., Soirée Question pour un Champion. You need to RSVP by this Friday. That's coming up on the 11th. And I'm actually I'm hosting. I thought you were, Dana. What is that Question pour un Champion? So Question pour un Champion is a TV show that's around the world. It's a trivia game show, and it's televised in all French countries. But at the Bastille Day party we had, it was very low-tech. Now we're going to have a much better, higher-tech version, more like Jeopardy. And each of the corporate French, any French club, actually, I used to teach at the 3M Language Society. Mm-hmm. It's sort of a nonprofit group where if you'd like to take a language class, you pay $25, and then all of the teachers volunteer their lunch hours to teach the class, and you can take as many classes as you'd like. And if you teach, you can take a language class for free. So I know the 3M Language Society will be in participation, as well as Who is this open to? Public? It's open to the public. Oh. And I know that the Target French Club, General Mills French Club, 3M, Alliance Française, and anybody else who would like to come and join a team, there can be up to 6 teams, and it will be a Jeopardy-style game show with prizes to win from... En français, n'est-ce pas? Everything is... Well, the questions are in French and English. I know that there's... I just sent the list of questions to our Thierry Ajaz, who's our guest, if you... He's going to be the main host for the game show. And so he's doing the correction autographe right now because, you know, I want to make sure that what appears on the screen is correct. So Saturday night. That's Saturday from 7 to 9 p.m. at the Alliance Française. What is it, 113 First Street? Right. I know it's going to be a soirée cocktail dinatoire, so light appetizers. Oh, okay. Sort of. And there's probably a charge? I believe it's $25, and you're supposed to RSVP with Alliance Française. Uh-huh. So give them a call at the Alliance if you are interested in going. Their number is, we'll get back to you in a minute. But I'll finish these announcements. On Sunday at the Alliance from 3 to 5, tea time. In a highly caffeinated world with Muse Salon. Now, I don't know what that is. Do you happen to know what that is? Muse Salon? Mm-hmm. I don't know. I don't know Three what that to five, is. Tea time. Maybe with that's Muse the name of a business? Maybe it's a group. I don't Perhaps. Know. Perhaps. Things coming up in November. We're almost halfway there. A talk with Eliane Usan-Leary and Miles Morgan. About American women and their help in rebuilding after World War I, I believe it was, and a photo exhibit opening. And November the 24th, right by Thanksgiving, a teleconference, The Art of Intervention, Diplomacy and Deployment After Iraq, with Dominique de Villepin. Well, he's ambassador, I believe, is he? I'm not sure. He's... someone up there. Have we had any word from Olaf? I have not, no. Okay, he'll be back soon, but he would be able to tell us. So. Yes, I'm sure he would. Coming up, workshops. They're offering workshops, which are just about 3 hours. You missed the one on how to make pastries, but you still have a chance to take part in pronunciation, part one, on Saturday, October 11th, from 1 to 4. The teacher, Anne, will go through main phonetic features with examples and exercises, beginning level 3 and above. And then November 8th from 1 to 4 on a Saturday, improve your intonation, your rhythm, the liaison and enchaînement, and so on. Then there are 5-week courses, including such things as a beginner intensive. That is Monday, Tuesday, Thursday from 9 in the morning to noon, and Wednesday from 9 to 11, 4 days a week, 11 hours a week. Wow. That is very intensive, but I think that's quite worthwhile because it's like immersion. Then they're offering a French for Travelers, October 15th through November 12th from 10 a.m. to noon on Wednesdays. And on Thursdays, the 16th through the November 13th from 6 to 8 for those of you who need to work all day and then go to a class. Fantastic for springtime in Paris. Oh, I would think so. Mm-hmm. Terrific. Get yourself ready to talk. World War I, La Grande Guerre à travers les images et les mots, October 14th through November 11th from 6 to 8 p.m., intermediate level 3 and above on Tuesdays. And then an announcement, of course, about Beau Soleil, the wonderful Cajun group, since they formed in 1975, will be singing and playing here at the Cedar Cultural Center, October 19th at 7:30. And we will have one of their records. Les Ballets Jazz de Montréal, Friday, October 24th, 8 p.m. at Northrop. The Carlson Family Stage. Contemporary Style and Polished Technique. Lots of announcements here. Quelle horreur! Essential French Frights, Mondays and Tuesdays, October 6th through 28th at the Trilon. And we will be giving away tickets for that. These films prove true horror is not found in creeping creatures or growling monsters, but is within our own fragile psyches. Need a job? The Alliance is looking for a facilities coordinator. It's somebody who would be handy, a handy person, handy man or handy woman, part-time position. Apply at the Alliance. A week in the French Indies, March 21st through the 28th, just when it's getting awfully cold here, or when you're sick of it, you can take a Caribbean trip with the Alliance at a Club Med called Les Boucaniers in Martinique. Food and beverage and 3 excursions. Deadline, October 15th. Très bientôt. The American Chamber of Commerce, Le Réseau d'Entreprise, presents Law and the Entrepreneur, a presentation with attorneys Eduardo Drake and Mary McCormick. Learn from their expertise over hors d'oeuvre and cash bar, Monday, October 20th from 6 to 9 at the Salut Bar Américain in St. Paul. That's the French American Chamber of Commerce, and you can visit their site for more information. And I guess that's about it for tonight. Les annonces. Or les annonces. Oh, an important one. Our friends, Mark Stillman and Francine Roche, are performing at a cabaret ballroom dance night Wednesday, October 8th. That's tomorrow night at the Minneapolis Eagles Club from 8 p.m. to 11. The address is 2507 East 25th Street in Minneapolis. You want some dancing with your sweetie? European dance music, Latin swing, and music from around the world. Francine and Mark appeared on the Prairie Home Companion in the past. You can check them out at Facebook page. That's www.facebook.com/ Mark and Francine? FREF equals TS. They're at the Eagles on the second Wednesday of every month. Oh, okay. So. Speaking of Facebook, we did have a winner for our Facebook cover photo. Oh, wonderful. So Barb Tillman won, and she happens to be my aunt. So she submitted a beautiful. You didn't need to tell them that. Oh, a beautiful picture of Quai de la Seine. So we look, you know, we look forward to changing the Facebook cover photo often, and it's through people that submit pictures or send us songs, send us requests. That's what we're here for. So. Well, this is new for Bonjour Minnesota. So thanks to you, Dana. So, and how do they get a hold of the... If you were to go to Facebook and type in Bonjour Minnesota, you'd be able to find it right away. There. It has a big logo with a heart and the shape of Minnesota. So you recognize it. Wonderful. And you're going to be having different contests going on? From time to time. I think what we'll have is Facebook cover photos... photo contests, maybe some sort of trivia stuff with some prizes, but it'll all be associated with the radio, and maybe some of the music that we don't play here might be on the Facebook page because it might be a little bit too outside of the norm. I see. Pushing the artistic limits. On verra, très bien. On verra, en ligne. Donc, un peu de musique. Qu'est-ce qu'on a maintenant? All right, nous allons continuer avec, c'est Louis. Oh, Louis Chédid? Oui. Si je l'ai. Pourquoi pas? Uh-huh. Oh, Louis Chédid. Youpi. Il va vous chanter Youpi. Qui c'est Louis Chédid? C'est un chanteur musicien connu pendant des années et des années. Et alors, il va vous chanter deux chansons, Youpi. Et aussi... Les bras de la nuit. Et ça va être suivi par son fils, qui s'appelle Mathieu, mais Mathieu ne voulait pas prendre le nom de son papa, donc il s'annonce comme M. Alors M est un artiste vraiment bien, très connu en France. D'abord, Louis Chédid avec Youpi et Les bras de la nuit. C'est comme un soleil dans le gris. vérité. All right, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Programming on KFAI is made possible in part through grants from the state of Minnesota. And the show that you're listening to is Bonjour Minnesota. We'd like to go ahead and make an announcement that the 10th caller to call in after the next song is played. As soon as the music starts, we want you to try to call in order to win two tickets to Roman Polanski's 1965 film Repulsion for Monday or Tuesday night. You'll be on the guest list at the Trilon Cinema. So as soon as the next song, which will be Louis Chédid, Les Bras de la Nuit, dès que ça commence, appelez. Et le numéro, the telephone number of the studio is 612-341-0980. 612-341-0980. All right. May the best, fastest dialer win. Les bras de la nuit se sont refermés sur moi. Sur moi. Je m'y blottis pour rêver de toi, de toi. C'est pas bien, c'est pas humain d'être si loin, si loin. Alors dans les bras de la nuit, je compte plus le nombre de kilomètres que je parcours en bateau, en train, en jet. Tu me fais faire de ces allers-retours. Dès que je me réveille, je me dis vivement qu'on se couche. J'aime plus le soleil, je préfère la grande ours. J'aime plus l'été, j'aime plus les beaux jours, car plus les jours sont longs, moi je vois mon amour. All right, we just heard Louis Chédid, Les Bras de la Nuit. And the next song that we're going to be hearing is from M. That's Louis Chédid's son, Mathieu Chédid. And this title is called Baia, B-A-I-A, B-A-I-A. Thank you. ta déclaration depuis toujours en moi. Courbé dans ta chaleur, dans mon cœur, il y a. De l'amour, un message dans mon cœur, il est. Continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer. Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit kfai.org. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. KFAI is supported by Patrick's Cabaret, located at Lake and Minnehaha in Minneapolis. Patrick's puts it all on stage. Video, dance, music, spoken word. You name it, it happens at Patrick's. On Saturday, October 18th, Patrick's Cabaret presents the Singer-Songwriter Series, featuring local musicians. Show starts at 8 p.m. More information is available at patrickscabaret.org. Say, I really like that M song. You heard two by the father, Louis Chédid, and the last one, Baya, Baye, was by the son, M. He goes by his first initial, Mathieu Chédid. The lyrics are gorgeous. Je suis venu te dire, c'est quelques mots d'amour. Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerai toujours. Bahia. Cette déclaration depuis toujours en moi, courbée dans ta chaleur. Dans mon cœur, il y a Bahia, Bahia. Isn't that pretty? I loved you. I love you. I loved you. I'll always love you. And yeah. I'll keep you in my heart with the warmth of... This declaration is always in me, bent in your heat. Mm. Courbé dans ta chaleur, in my heart. And there is, I don't know if they're referring to the Brazilian town of Bahia or what. De ma plus tendre enfance, bercé par ton image, à mon adolescence, parfois mes innocences. Toi, tu révèles en moi ma sagesse sauvage, de l'amour un message, dans mon cœur il y a. Bahia, Bahia. Sounds like carnival music. So, sounds could very well be. Loving him. That was M. You'll hear more of him. Well. Right. We haven't had a 10th caller yet. So we need, if you want to win the tickets to the Trilon and experience art house cinema like it is in Paris, the great thing that we have the Trilon, it's almost like all the little cinemas that are around Paris. There's constantly a film festival going on. I actually asked the person who's in charge about whether or not they'd had Jack Nicholson. I said, hey, you know, it'd be a really great idea if you had a Jack Nicholson, the early films. And he said, yeah, we already did that. So I said, how about the Indian film director Satyajit Ray? He said, if we can get an underwriter, all those films are being remade, you know, so they might be able to get those next year. But the best thing about it for us is that we have access to French films that were produced a long time ago in 35mm, you know, they're original print films. This is not digital, just in South Minneapolis, and they have great treats to have, and it's just a very intimate little cinema. What time are those tickets for? Those tickets are for 7 or 9 p.m., either Monday or Tuesday night. So there's actually four shows. Next week. Yep. Four shows that you could go and see. Repulsion. So if you go ahead and give us a call, you could win the tickets at 612-341-0980. And the next caller wins. Okay. Alors, quelle musique est-ce qu'on va écouter maintenant? Well, since we had that sort of festival, carnival sort of feeling, I thought we should listen to Les Négresses Vertes, C'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. We've got a caller. Sardines édentées, un pêcheur dans les algues. Voyant la mer si haute, le pauvre type s'est noyé. Créateur, je vous blâme, l'homme est sans nageoire, la nature l'a atrophié. C'est pas sur ma macadam. C'est une jolie histoire, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement pas tu pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire. En mourant, la, la, la, la, la, la, la. Avalé par les flots, n'avait pas des lambeaux noyés. À après 20 heures de drague, les deux pieds dans une botte, le pêcheur est repêché. Une anguille qui zigzag, qui touche pas, il mijote, c'est le fruit de la marée. C'est pas la mer à boire, pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. Fenelio, Macaria, Fenelio, Macaria. Et je pense à ces femmes qui, toutes vêtues de noir, se nourrissent de crustacés, n'ont pour hommes que des âmes. La, la, la, la, la, la, la. Dont le corps en mémoire est par les crabes digérés. La mer offre son néant à tous les paquebots qui n'ont pas appris à flotter. Quand le soleil tombe dedans, oh mon Dieu que c'est beau! Oh maître, on le revoit, le soleil sait nager. C'est pas la mer à boire, pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire, pour tous ceux qui aiment pas ça, c'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. Traîner de poudre, faire un cercle des villes, brûler la mèche, brûler la mèche avec un mot du levant. Enfumer le matin pour le compte d'un ogre, nous aurons laissé à l'odeur un peu de sueur et des rumeurs de rêve. Nous aurons aujourd'hui ramassé un fruit étrange pour le compte des oiseaux. La graine de perse mêlée des cheveux de l'ombre sur la peau de l'Afrique. Aux gorges de l'Ardèche, sur les échasses du Mali, je saluerai le prochain paysan dans sa langue attardée en chemin. Je saluerai la prochaine femme qui passe dans le dialecte des Pangues, ou d'un silence qui n'arrache pas de voile. Des graines de perse mêlées aux cheveux de l'encre, j'accrocherai à sa bouche. Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom de Dieu, le nom de Mohamed, dans la visière d'un fusil. Maralinga Gaya. Le diable m'emporte d'avoir appris le nom des hommes, le nom des femmes, sous le couperet d'un sabre. Maralinga Gaya. Lancer à la Pologne une fleur équivoque. Nous ne sommes pas de carare mais d'ardoises fragiles. Nous sommes d'origine du limon, d'un fleuve maternel. Porte un songe fiévreux aux journées dont les deux côtés sont l'envers. Une larve qui se tient sur le flanc d'une baleine. Maralinga Gaya. Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom de Dieu, le nom de Mohamed dans la visière d'un fusil. Maralinga Gaya. Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom des hommes, le nom des femmes, sous le couperet d'un sabre. Maralinga Gaya. Nous aurons laissé une traînée de poudre, fait un cercle des villes, brûlé la mèche. Brûler la mèche avec un mot du couchant. Maralinga Gaya. Détourner la parole pour l'oreille d'un sourd. Nous aurons laissé à l'odeur un peu de sueur. Maralinga Gaya. Et des rumeurs de rêve. Nous aurons aujourd'hui ramassé un mot étrange pour le compte des enfants. Des mots de jam et les 10 senteurs de l'ambre sur la peau de l'Afrique. Accroché un anneau à l'oreille du Balkan. Pendu une larme au lustre des Amériques. Dès que le diable m'emporte d'avoir appris le nom des terres et des déserts dans la visière d'un fusil. Maralinga Gaya. Yes. All right, we just heard C'est pas la mer à boire, which is mean from Les Négresses Vertes, which means that's not a big deal. It's not the sea to drink, would be the literal translation. Not too much. It's not like drinking the ocean. Not like drinking the ocean. So if somebody is complaining about some work they have to do, mm-hmm. well, you just tell them, oh, c'est pas la mer à boire. You can do it. I guess it's sort of encouragement. And then after that, Lojo with Brûler la Mèche. So burn the mesh. Would that be like... A candle wick. A candle wick. Okay. Uh-huh. I was wondering. I'd meant to print out the lyrics. But I think we're going to be listening to some more Lojo soon. So. Oui, c'est bien. Oh, there was an interesting article in the Minneapolis paper about the Eiffel Tower. Adds le vertige. It's been giving a vertigo-inducing facelift, celebrating its 125th anniversary. The Eiffel Tower is 1,063 feet, and it now has see-through glass panels on the first level. There are four small viewing sections, which cost 30 million euros. That's wow. $38 million. It was opened to visitors on Monday. The first level is just 187 feet high. It's not for the faint-hearted. One tourist said he was terrified, gripping his friend's arm as he walked on the glass. I don't think I'd like that. No, I don't think I'd like it either. We want to thank everyone who called in, and we did have a winner named Mary who won the tickets, and we also had... another Mary call in, and we had a couple of people that were excited to go to see the shows, but they didn't win. So we'll be giving away another pair of tickets next week for the following week's show. Mm-hmm. Very good. Alors, Céline Dion maintenant? pourquoi pas. Alors, c'est Céline Dion. Et Thierry, si vous êtes à l'écoute, c'est encore la chanson que vous aimez, le blues du businessman. C'est une chanson avec le parolier et Luc Plamondon, très célèbre au Canada. Un homme très doué. Alors, blues du businessman. Et si on a le temps, on verra. C'est les bras de la nuit, je crois. C'est vrai. D'accord. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. Depuis que j'ai le sens des affaires, j'ai réussi, j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un chanteur. Alors, that was Céline Dion. I would have liked to have been, it's the Businessman's Blues. Businessman's Blues. Rather been an actor, I would have liked to have been. J'aurais voulu. And so which conjugation that would have it's been the... past conditional. J'aurais right. voulu. I would have liked to have been. Mm-hmm. I would have wanted to be an actor. Or a singer, or... Bon, all qu'est-ce right. qu'on va écouter maintenant? All right. Well, since Barbara won the Facebook cover picture for our Bonjour Minnesota Facebook page, we're playing her special request, which is classic, The Umbrellas of Cherbourg, composed by John Williams. I Will Wait for You. Oh, c'est touchant. All right. KFAI is partnering with the Minnesota Food Truck Association and Harriet Brewing as sponsors of the Fall Feast Food Truck Rally. The rally features 18 food trucks plus music on the KFAI stage by Jack Klatt, Doug Otto and the Getaways, the Everett Smithson Band, Mary Cutrufello, and the Federales. The Food Truck Rally takes place on Saturday, October 18th at Harriet Brewing, 3036 Minnehaha Avenue in Minneapolis. A portion of the proceeds will be donated to KFAI. Information is available on the events calendar at kfai.org. Alors, faut dire au revoir à la semaine prochaine pour Bonjour Minnesota. Au revoir tout le monde. Au revoir, Dina. Au revoir, Karen. See you next week. Dans deux semaines. Dans deux semaines, je ne serai pas ici. Donc, voici un peu de beau soleil. Et la chanson? Chanson d'Acadie. The Song of Acadia. Mais nous serons, I will still be here next week playing some French music selected with Angela will be our engineer helping. So. D'accord. Au revoir. À prévenir mon chagrin à toi, jolie fille que j'appelle Bassette, j'ai pensé à toi souvent, joli cœur mignon. Moi j'ai envie d'aller te joindre, ma jolie fleur dans ton jardin, moi j'apprends à partir là-bas. KFAI is partnering with the Minnesota Food Truck Association and Harriet Brewing as sponsors of the Fall Feast Food Truck Rally. The rally features 18 food trucks plus music on the KFAI stage by Jack Klatt, Doug Otto and the Getaways, the Everett Smithson Band, Mary Cutrufello, and the Federales. The Food Truck Rally takes place on Saturday, October 18th at Harriet Brewing, 3036 Minnehaha Avenue in Minneapolis. A portion of the proceeds will be donated to KFAI. Information is available on the events calendar at kfai.org. I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree.